Dépasser plusieurs véhicules à la fois est autorisé, mais l'environnement change au fur et à mesure qu'on avance, obligeant parfois à modifier nos intentions. Dans cette situation, la ligne au sol autorise les dépassements, mais à l'approche de ce sommet de côte, je suis incapable de savoir si une voiture va déboucher en face de moi. Il est urgent et prudent que je me rabatte maintenant. Je mets le clignotant droit, je lâche l'accélérateur et je m'insère entre la voiture qui me suit, elle est assez éloignée, et la voiture qui me précède. Réponse B.